Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Heureuse coïncidence, dans cette remontée de l'histoire, on arrive à l'année 1983, pile au moment où des manifestations massives de jeunes noirs et de leurs alliés ont eu lieu un peu partout en France, faisant émerger la question des violences policières et du racisme. Beaucoup de gens ont fait le parallèle avec la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, donc ça tombe vraiment bien. Pour rappel, le Parti socialiste est au pouvoir. Il s'est fait élire en promettant une France progressiste, plus en phase avec son époque et moins répressive. Ça a créé une certaine espérance. Il suffit de regarder les scènes de liesse dans les rues de France le soir de l'élection de François Mitterrand. Mais créer un élan électoral, c'est une chose. Relever un pays, hier de plein emploi et qui passe progressivement au chômage de masse, ça c'est une autre paire de manches. La période, elle reste quand même favorable à la population active, il y a des nationalisations, on crée beaucoup d'emplois publics, et le gouvernement mise aussi sur une relance par la consommation, donc tout est fait pour inciter les foyers à acheter. C'est vraiment l'époque du superflu. Mais on ne peut pas non plus dire que la situation est idyllique en France, il y a par exemple le gel des salaires et beaucoup de suppressions d'emplois. Cette période, 1982-1983, c'est aussi le début des ordinateurs domestiques, c'est le lancement du Minitel, qui est l'ancêtre d'Internet, la peine de mort vient d'être abolie, et puis c'est aussi l'année où Jacques Lang remplace la fête de la Saint-Jean par une grosse fête de la musique. L'âge de la retraite est avancé à 60 ans, donc voilà, tout un tas de choses qui sont plutôt favorables à la population. Mais dans tout ça, il y a très peu de choses qui concernent les indigènes, qui sont tenus à la marge de la société, économiquement et politiquement. C'est une population qui est jeune, donc qui est pleine d'énergie, et qui vit dans une société où la publicité elle prend de plus en plus de place, et donc où consommer devient plus important qu'être. Ce qui évidemment peut générer de la frustration. Il y a bien les politiques locales nouvelles qui correspondent à ce que sera plus tard la politique de la ville, mais ça ne change absolument pas la situation sociale, ni le racisme qui se manifeste exactement comme aujourd'hui, par des discriminations structurelles, dans tous les domaines de la vie. Et ce qui se passe avec la police et la justice joue le rôle de détonateur pour des raisons que, aujourd'hui, tout le monde comprend. Donc, à problème constant, la répression policière et judiciaire, réaction constante. Ainsi, les premières révoltes en banlieue datent de 1971 puis 1979 dans le Lyonnais. Les deux années, ça a lieu dans le quartier de la Grapinière à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. La Grapinière, c'est un quartier qui a poussé en 1963 pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Et quand le centre-ville de Lyon a été gentrifié, les habitants de ces quartiers ont été relogés, notamment à la Grapinière. Et quand, dans les années 70, la presse parle de ce quartier, en général, elle parle de ghetto, de rodéo, de voyou. Le 15 septembre 1979, Hakim a 17 ans, il est recherché par la police qui le repère, et les policiers quadrillent le quartier. La population voit le jeune ensanglanté, elle s'en mêle. Une ambulance est appelée, Hakim va perdre beaucoup de sang, mais il s'en sortira quand même, et quand la presse vient dans le quartier récolter les témoignages, ce que les gens mettent en avant, c'est l'état de la cité et les relations mauvaises avec la police. On lit dans l'article du quotidien Le Monde que les habitants reprochent aux forces de l'ordre les rondes incessantes, les vérifications d'identité, les brutalités gratuites à l'égard des jeunes, tous suspectés d'être des délinquants. Et le journal nous fait comprendre que Hakim, c'est un jeune qui a du panache, qui est apprécié dans le quartier. Les gens savaient qu'il était recherché, mais ils savaient aussi qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Pendant ces révoltes, 5 policiers, dont un commissaire, sont blessés, 5 véhicules et une ambulance des pompiers sont endommagés. Les policiers vont essuyer des jets de pierres et des voitures vont être incendiées. Et la presse note bien que c'était majoritairement les Maghrébins qui participaient à ces révoltes, jeunes et adultes. Pourtant, dans ce quartier, il n'y habite pas que des Maghrébins, même s'ils sont majoritaires. Ça, ce sont les premières révoltes urbaines en France, après lesquelles d'ailleurs sera construit un centre social pour le développement social des quartiers dont on a parlé la semaine dernière. Ça ne change pas le rapport à la police et ça n'offre pas de travail. Simplement, on encadre les jeunes et on peut y voir là peut-être la première attaque contre l'autonomie des quartiers. Ces révoltes, elles vont toucher d'autres quartiers dans le Lyonnais, avec la même année Villeurbanne à la cité Olivier de Serres. Le maire, le socialiste Charles Hernu, qui pour son parti est spécialiste du nucléaire et du militaire, va être radical, lui. Il va carrément raser ce qu'il appelle un vivier à délinquance et il va dispatcher la population vers les 3 V, Vaux-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne. C'est la première destruction de cité. Pour ceux qui veulent aller regarder, il y a une expo au Rise de Villeurbanne, pour ceux qui connaissent, qui témoigne de la destruction d'Olivier de Serres. Comment cette cité destinée aux rapatriés a été progressivement habitée par des Marocains, Algériens et Tunisiens quand les Pieds-Noirs sont partis vivre à l'intérieur de la ville. Dans ce quartier, Olivier de Serres, en 1970, il y avait une grève des loyers à cause de l'état de la cité. Et la population blanche, du quartier ou habitant autour du quartier, en permanence, elle faisait des pétitions, elle interpellait la presse, elle interpellait le maire. Une blanche du quartier avait écrit au commissaire, je cite, « Je vous écris de nouveau car la vie devient de plus en plus infernale dans notre impasse. Les enfants des Arabes nous font la vie impossible. Que faire pour que cela cesse? On est peu d'Européens pour se défendre. Je me permets de vous dire que si rien n'est fait, j'achète une carabine et je tue. » Ça, elle l'écrivait en mai 75. À Villeurbanne, on appelle Jules Ferry l'école où vont tous les enfants du quartier, l'école algérienne. Et en 1974, les parents d'élèves avaient envoyé une pétition au maire où ils demandaient « Cher monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi l'administration fait une différence considérable de racisme? C'est avec regret que nous vous apprenons que tous les parents des élèves algériens sont très mécontents, car voilà une très grande preuve que le racisme existe en France. Les enfants de l'école maternelle dorment par terre, car les lits ont été emmenés à la Péralière pour les enfants français. Pourquoi donc ce racisme? Parce qu'on ne peut l'appeler que comme ceci. » Donc après ces révoltes de 1979, le maire va raser la cité, construire à la place, mais ils vont aller évidemment jusqu'à changer le nom de la rue pour tourner la page. Mais les gens n'ont pas rêvé, ils ont bel et bien grandi à Olivier de Serres. Pour donner un ordre de comparaison, en Grande-Bretagne, suite aux révoltes, les solutions qui ont été mises en place, c'est la mise en place d'une police communautaire et de comités consultatifs de quartier, l'intégration de minorités ethniques dans la police, la lutte contre les discriminations raciales et la discrimination positive face au chômage disproportionné des jeunes hommes. Donc dans le Lyonnais, 1979, il y a ces révoltes dans deux quartiers. Et dans le cas de Hakim, il y a une donnée importante qui a joué un rôle, c'est l'expulsion. Depuis le 31 décembre 1970, les étrangers majeurs peuvent faire l'objet d'une interdiction de territoire quand ils sont condamnés. Quand la loi est votée, ça ne concerne que les condamnations aux infractions les plus graves à la législation sur les stupéfiants. Mais progressivement, ça va s'étendre à 200 infractions définies par le code pénal, par le code du travail et par l'ordonnance de 1945 sur les étrangers. Ça veut dire que ça peut tout autant concerner des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens commises avec violence ou des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et la loi dit donc que la peine d'interdiction du territoire français, elle peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. Que l'interdiction du territoire, elle entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière. C'est ce qu'on a appelé la double peine. Et la double peine, avec le million Stoleru, ça s'inscrit directement dans les politiques de retour forcé des indésirables. Et la forte pression policière, elle est un outil de contrôle des populations, de hiérarchisation raciale aussi, parce que en contrôlant les uns et en ne contrôlant pas les autres, on inscrit dans les corps et dans l'expérience la différence entre les blancs et les non-blancs. Mais ces contrôles policiers, c'est aussi un outil de détection des étrangers expulsables. La France essaie de se débarrasser des étrangers, des Algériens en particulier, on a vu que l'Algérie, elle résiste, et en France, ce sont les associations, les syndicats et les églises qui protestent. L'État riposte en contrôlant très durement les cartes de séjour et les dossiers administratifs des immigrés. Et progressivement, on va arriver à une situation où tout résident au chômage de plus de 6 mois pouvait se voir retirer sa carte de séjour. Donc un renversement se fait où on présente désormais l'immigré comme illégal, comme quelqu'un qui emploie la ruse, qui travaille au noir, et on se trouve progressivement avec des gens qui ont grandi ici, qui ont vécu la plus grande partie de leur vie ici, et qui se trouvent expulsés dans leur pays d'origine. Pour se représenter ce que ça signifiait pour eux, je vous lis le témoignage de Monsef Dridi. Il est tunisien, il faisait partie de 10 hommes qui, en 1997, ont fait une grève de la faim contre la double peine. Je suis né en 1957. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Toute ma famille y réside depuis 1961. J'ai été expulsé parce que j'habitais un quartier un peu difficile de Lyon, rue Olivier de Serre, sans jamais être allé en prison. D'ailleurs, parmi les grévistes de la faim, nous nous sommes retrouvés 7 de ce quartier. Le préfet m'a expulsé en 1977, sans doute pour trouble à l'ordre public, mais je ne me souviens pas avoir fait quelque chose de particulier. Je suis resté 2 ans en Tunisie, j'avais perdu ma famille, je ne connaissais pas le pays, je ne parlais pas la langue. Les autorités gouvernementales m'avaient pris mon passeport, j'ai passé mon temps à essayer de me sauver. Un jour, en 1979, j'ai réussi à monter sur un bateau de marchandises qui est arrivé à Marseille. J'avais 22 ans, pas de travail. J'ai commencé à faire des conneries. En mai 80, j'ai commis un hold-up. J'ai été condamné à 7 ans de prison. À ma sortie, la préfecture a refusé de me donner des papiers. Je n'étais pas expulsable, mais je n'avais droit ni à des papiers ni au travail. En 1992, j'ai de nouveau été arrêté, je suis passé devant la commission d'expulsion qui m'a assigné à résidence. Je le suis toujours. J'ai commencé la grève de la faim pour obtenir ma liberté et je n'ai pas le droit de quitter Lyon sans laisser passer. J'ai travaillé 2 ans depuis la grève comme des amianteurs au SMIC, mais chaque fois que je devais partir en déplacement, il fallait demander l'autorisation à la préfecture. La réponse prend 15 jours en moyenne. Mon patron ne pouvait pas systématiquement programmer mes déplacements avec un pareil délai. Il a craqué. Depuis 5 mois, je suis au chômage. Avec ces papiers, c'est difficile de trouver du travail. C'est pour ça que j'ai fait l'amiante, parce qu'ils ne sont pas trop regardants. Les papiers sont valables 6 mois. Il est inscrit en gros « assignation à résidence », autorisé à travailler. En plus, je suis maghrébin, j'ai 45 ans, ce sont des barrières presque infranchissables. J'étais chaudronnier à l'origine. Ma femme est française et j'ai 2 garçons, Jawad et Yanis, qui ont 14 et 4 ans. Le plus grand est en 3e, tout se passe bien. Je pensais que le fait d'avoir vu son père en prison puis en grève de la faim allait le troubler, mais il fait partie des meilleurs, il est calme. Le petit, pour l'instant, nous n'avons que les allocations chômage, il faut avoir du courage pour ne pas replonger. Mais je suis décidée, j'ai trop fait souffrir mes proches, il faut que je m'en sorte. C'est vraiment dur. Ils nous mettent toujours des bâtons dans les roues, comme s'ils voulaient qu'on recommence à faire des bêtises pour vivre. Heureusement, il y a la famille et les amis. Donc cette réalité nouvelle, à la fin des années 70 de la double peine, elle va déclencher dans le Lyonnais toujours une première grève de la faim. On est en avril 1981, le pasteur protestant Jean Costil, le curé Christian Delorme et Ahmed Boukrouma entament une grève de la faim aux Minguettes. Jean Costil, il est actif à la CIMAD, Christian Delorme est prêtre à Saint-Fons, en charge de la cité des Minguettes à Vénissieux, et Ahmed Boukrouma, lui, est sous le coup d'une expulsion. Cette grève de la faim, ils la font pour protester contre la double peine et contre l'image de délinquant qui est donnée des étrangers. Ils disent aussi la pression policière qui pèse sur ces jeunes, accusés de rien. L'opinion publique ne leur est pas favorable à ces grévistes de la faim, mais des organisations et des chrétiens les soutiennent. Et eux considèrent que cette période électorale présidentielle, c'est le moment idéal pour affirmer la nécessaire solidarité entre Français et étrangers et pour mettre en lumière les problèmes des immigrés de la deuxième génération, à savoir tous ces jeunes qui sont nés de parents étrangers et qui vivent en France et sont le plus souvent rejetés par les deux communautés. Et c'est parce qu'ils sont des exclus, ajoute-t-il, qu'il leur arrive de commettre des délits mineurs qui les placent sous la menace d'expulsion, et il explique aussi que quand il y a délit, c'est une réaction à une situation sociale qui est intenable. Et leur action, elle va permettre de faire connaître cette réalité inhumaine qui ne touche pas que les concernés, mais toute leur famille sur le long terme. Il y a l'incarcération qui est déjà hardcore parce que c'est pas prévu, les gens n'ont pas traversé la Méditerranée pour ce résultat. Donc avant que la double peine ne devienne un sujet politique, il y avait une espèce de chape de honte autour de la question de la prison. Et cette politisation de la question par un mode d'action inspiré des révolutionnaires algériens, qui eux régulièrement ont recouru à la grève de la faim pour obtenir le respect de leurs droits humains en prison, cette politisation, elle vient par cette grève de la faim. Donc cette grève de la faim, non seulement elle est un tournant, mais elle va aussi aboutir à une avancée, pas encore une victoire, hein, puisque le 17 avril 1981, ils vont recevoir du candidat Mitterrand le télégramme suivant. J'ai déjà eu l'occasion, dès le 6 avril, de manifester par l'intermédiaire de Pierre Mauroy, mon porte-parole, ma solidarité avec l'action que mènent les grévistes de la faim. Ma position est connue. Avec mes amis du Parti Socialiste, je suis à l'origine d'une proposition de loi déposée en décembre 1978 qui tend à inscrire la reconnaissance des droits des immigrés. Ce texte aurait pour effet de protéger les jeunes immigrés contre les expulsions que vous dénoncez et que je condamne formellement. C'est une atteinte aux droits de l'homme que de séparer de leur famille et d'expulser vers un pays dont bien souvent ils ne parlent même pas la langue, des jeunes nés en France ou qui y ont passé une partie de leur jeunesse. Ces pratiques sont inacceptables. Si je suis élu président de la République, je demanderai au gouvernement d'y mettre immédiatement fin et de présenter les dispositions législatives nécessaires pour que nul désormais ne puisse avoir recours à ces pratiques. Cordialement, François Mitterrand. Il ne tiendra pas sa promesse, mais à son arrivée au pouvoir, l'exécution des arrêtés d'expulsion est suspendue et il fait voter la loi du 29 octobre 1981. Les spécialistes diront que cette loi a été la première d'une longue série de rendez-vous manqués pour l'abolition de la double peine et l'abrogation de l'interdiction du territoire. Mais cette grève de la faim aura au moins permis de faire entrer les mineurs dans les catégories protégées contre l'expulsion. Donc ce seront les mineurs, les conjoints ou pères et mères de Français, les résidents en France de façon habituelle depuis l'âge de 10 ou depuis plus de 15 années. Mais par contre, il ne va pas toucher à l'article 630-1 du Code pénal, pourtant usine à interdiction du territoire. Lyon restera un haut lieu de lutte contre la double peine parce que là-bas se trouvent des avocats parmi les plus renommés en France en droit des étrangers, et aussi parce que la Cour d'appel de Lyon est réputée pour être extrêmement sévère avec les délinquants étrangers. Quant à la grève de la faim, elle cesse le 30 avril 1981. Quand les socialistes arrivent au pouvoir 10 jours plus tard, ils disent qu'ils vont suspendre la double peine, sauf qu'après l'été chaud des minguettes, la droite va faire pression pour que cette double peine soit rétablie. Alors de quel été chaud est-ce qu'on parle? Eh bien de l'été 1981. Il y a des révoltes à la cité des Minguettes à Vénissieux. Ce sont les premières sous gouvernement socialiste. Alors, il y a l'événement en lui-même, mais il y a aussi la manière dont il va être cadré par l'État, cadré par la presse. Les Minguettes, c'est un quartier qui est sorti de terre entre 1965 et 1973. C'est un mélange de grands ensembles HLM et copropriétés et de pavillons. En 1976, la crise économique est tellement forte que le conseil municipal exprime sa préoccupation de la situation. En 1978, l'un des plus gros employeurs de la ville, Renault VI, supprime 5000 emplois. Les classes moyennes et intermédiaires partent vivre ailleurs. Et la jeunesse qui reste, et la jeunesse majoritairement maghrébine, elle se sent stigmatisée, elle est discriminée aussi d'être algérienne. Il y a aussi la double peine qui la préoccupe et qui fait monter la tension. Et puis, il y a l'image du quartier qui est extrêmement mauvaise et dont il souffre. Car la France méprise et diabolise les jeunes arabes. Et c'est ce qui donne de nombreux crimes racistes de la part de Beauffs. Quand la blanche d'Olivier de Serres parle de s'acheter une carabine, elle ne parle pas dans le vent. Les assassinats de jeunes arabes sont communs à cette période. Et dans ce qui sera appelé « été chaud » par la presse, il y a d'abord des affrontements entre police et groupes de jeunes qui commencent le 8 juillet et qui durent jusqu'à la fin du mois. Donc ce qui est nouveau là, c'est la durée des révoltes et c'est aussi la couverture médiatique. On va voir les images de ces révoltes aux 20h. Et ça va en faire un problème politique sur lequel tous les acteurs vont se positionner. Évidemment, ces révoltes elles ont été déclenchées par le contrôle de police de trop. Et le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, parlera de « malaise des banlieues ». Il dira « il faut une réponse policière ferme » à un problème déclenché par la police. Donc à la fin de l'été, la police va devoir même se résoudre à mettre en place des barrages systématiques aux abords des tours pour que cessent les révoltes. À la fin de l'été, le bilan est de 200 voitures brûlées. Et on raconte que certains journalistes, frustrés d'arriver sur place un soir calme, ont attisé pour obtenir des images. C'est pour ça que la révolte de quartier, elle doit toujours aussi être analysée dans sa dimension médiatique. Les Minguettes, c'était la première révolte filmée. La dernière, c'était Villeneuve-la-Garenne, 2020, où on est arrivé à un phénomène de compétition entre quartiers sur qui aura les images les plus chaudes. Donc les médias jouent un rôle dedans, qu'il ne faut pas minimiser. Quand en octobre 1981, la Commission nationale de développement social des quartiers sera mise en place, les Minguettes feront partie des 16 sites choisis, avec aussi le Val-Fauré, les 4000 ou le 13e à Marseille. Mais en tout cas, en condamnant ces violences plutôt qu'en en interrogeant les sources, les socialistes vont contribuer habilement à renforcer la polarité entre, d'un côté les honnêtes gens, de l'autre côté les délinquants, qui est une fiction. Le blanc qui travaille, bah, il a les moyens d'être honnête, c'est un privilège finalement l'honnêteté. Et cette fiction, elle légitime le deux poids deux mesures, puisque le discours politique, le discours médiatique, il faut le voir comme des lunettes qui vont influencer notre manière de regarder la réalité. L'année suivante, 1982, l'État ne veut absolument pas d'un nouvel été chaud. Donc il va démarrer les opérations prévention été. Et avant de le mettre en place, Gaston Defferre et Robert Badinter vont s'opposer. Le premier veut des centres fermés pour les délinquants, le second veut des politiques d'apprentissage des bons comportements. Et ces opérations prévention été, en 1982 dans le Lyonnais, c'est la police et l'armée qui seront mobilisées pour encadrer des activités sportives. Avec ces opérations prévention été, ils ciblaient les 13-18 ans et après 1982, ils ont étendu ça à d'autres activités, c'est-à-dire que ça pouvait être des séances cinéma, la peinture d'une fresque, la réfection de la cage d'escalier, passer le code ou le brevet secouriste, et des camps de quelques jours aussi. Ce qui est bien, mais qui ne règle absolument pas le problème de racisme structurel ni celui de la répression raciste, policière et judiciaire. Tous les séjours de vacances au monde ne suffiront jamais à éteindre la colère face à l'injustice raciste. Le 28 septembre 1982, un jeune de Bron, Ahmed Boutelja, est assassiné par Jean-Claude Lopez, un plâtrier peintre de 35 ans. Un mois plus tard, exactement, Wahid Hashishi est abattu par le propriétaire d'une BMW qui prétend que Wahid essayait avec deux complices de voler le véhicule, sauf qu'un rapport dira qu'il n'y avait pas de traces d'effraction sur la voiture. Il est mis en détention. Les amis de Wahid sont aussi mis en détention, sauf que Jean-Claude Lopez est libéré le 15 mars 1983. Et immédiatement, la situation se tend. Un appel à manifester est lancé, mais la préfecture interdit le rassemblement. La marche a quand même lieu. Elle réunit 500 personnes qui répondent à l'appel de la coordination des jeunes immigrés de Lyon et de ses banlieues. Les manifestants parcourent les artères du centre-ville. Ils s'arrêtent quelques instants devant le palais de justice. Un commerçant les provoque, il y a quelques jets de pierre, vers l'important cordon de CRS qui a été placé devant le tribunal. Et le rassemblement se disperse. Après que place Bellecour, un petit groupe a voulu en découdre, mais les policiers ont empêché que ça se passe. Quel était leur message à ces manifestants ? On nous assassine, on nous provoque, que fait la justice ? Ahmed est mort, son assassin est libre. Et aussi, si c'est raciste, c'est dans le progrès, qui était un détournement du slogan du canard local, le progrès. Si c'est vrai, c'est dans le progrès. Donc ces manifestants, ils considèrent que ce sont les syndicats policiers qui ont l'initiative et qui risquent d'imposer un quadrillage qui engendre une spirale de la violence. Les jeunes veulent montrer que la volonté de violence, elle n'est pas de leur côté. Et pour eux, quand ça explose comme c'est arrivé la semaine précédente, ça justifie davantage de stigmatisation et davantage de violence sur eux. Ils disent aussi qu'il y a eu des discussions sur l'avenir du quartier depuis l'arrivée des socialistes et qu'ils ont le sentiment que ça ne mène à rien. Et que tant que les logements vides du quartier ne seront pas attribués à ceux qui en ont besoin, tant que la police et la justice ne traiteront pas tout le monde de manière identique, tant qu'il n'y aura pas un grand chantier pour les jeunes chômeurs français et immigrés qui permettent de réhabiliter le quartier, pour eux ça n'ira pas. Une semaine plus tard, le 21 mars, au matin, les policiers viennent pour une perquisition dans la tour 10. Ça s'échauffe entre jeunes et policiers. Le père Delorme leur suggère de faire une grève de la faim et ils vont entamer à partir du 28 mars une grève de la faim qui va durer 12 jours. Ils sont une dizaine et ils demandent des logements décents, du travail, mais aussi et surtout l'égalité de traitement devant la justice. Ils disent aussi que, par ce choix de grève de la faim, ils veulent rompre avec la violence qui ajoute à la stigmatisation du quartier. Par leur grève de la faim, ils obtiennent un engagement de l'État pour que le quartier soit rénové, et pour que les jeunes des Minguettes soient embauchés en priorité sur ce chantier. Ce qui est absolument terrible. Ça veut dire qu'ils ont fait, littéralement, une grève de la faim pour travailler. En tout cas, après ces avancées, ils se constituent en association SOS Avenir Minguette. Et dans cette association, on trouve des frères algériens pour la plupart. Et on remarque quand même que par les buts de leur association, ils s'inscrivent quand même dans la politique de développement social. Donc c'est un phénomène qu'on va retrouver amplifié à l'extrême, bien plus tard. Mais ils continuent leur activisme. Ils vont notamment témoigner auprès de l'ONU de la situation des cités le 21 avril 1983 à Genève. Le 3 juin est une journée de mouvement national dans la police, après que deux des leurs ont été tués par des cambrioleurs. Les policiers manifestent au cri de Badinter démission, et ils sont des milliers à crier leur colère contre une justice qui les accuse de se trouver dans le camp des coupables plutôt que dans celui des victimes. Ils dénoncent le laxisme de la gauche et ils manifestent le matin dans le calme. Seulement, l'après-midi, à l'appel de la Fédération professionnelle indépendante de la police, qui est un syndicat d'extrême droite, 2500 policiers se rendent dans le silence avenue de Trudaine, puis se déchaînent en approchant du ministère de la Justice. Une délégation est reçue par le directeur de cabinet de Badinter, et une vingtaine de minutes plus tard, ils ressortent avec en tête Didier Gandossi, le secrétaire général de la FPIP. Parce qu'ils ont manifesté sans déclarer, et parce qu'ils l'ont fait avec leur arme de service, le directeur général de la police est viré, et les leaders syndicaux sont sanctionnés. Certains ministres vont même parler à l'époque de sédition. Il faut savoir que tous ces meneurs, Pasqua va les réintégrer quand il sera ministre de l'Intérieur. En tout cas, on voit que l'esprit des policiers est chaud. Le lendemain, au centre commercial des Minguettes, les CRS procèdent à des interpellations, ça part en affrontement. Le 7 juin, Toumi Djaïdja va au commissariat de Vénissieux en compagnie du père de Lorme pour plaider la cause des jeunes. Pèse sur lui un mandat d'amener dans le cadre d'une procédure pour tentative d'homicide volontaire sur des CRS. On sait tous évaluer ce que ça veut dire. Mais quand il sort du commissariat, ça crée une forte protestation chez les syndicats policiers, à qui il est répondu que Toumi Djaïdja était allé au commissariat en tant qu'interlocuteur représentatif et que s'il l'avait arrêté à ce moment-là, ça aurait mis le feu. Donc on sent que la tension monte. 10 jours plus tard, le président de SOS Avenir Minguette, Toumi Djaïdja, va être blessé à l'abdomen par une balle tirée par un maître chien. Il va frôler la mort, subira une opération chirurgicale de 7 heures. Après que ce soit arrivé, le syndicat national autonome des policiers en civil va communiquer en parlant d'une attaque de loubard à la barre de fer, alors que la victime, c'est Toumi Djaïdja, qui est entre la vie et la mort. Une fois remis, alors qu'il est encore à l'hôpital, Toumi Djaïdja échange avec Christian Delorme et décide de s'inspirer des marches pour les droits civiques des Amérindiens et des Noirs aux États-Unis, ou encore de la marche du sel de Gandhi. Et donc, de son lit d'hôpital, il lance l'idée d'une marche pour l'égalité et contre le racisme. Ce qui lui donne cette idée aussi, c'est qu'il voit que les politiques s'écharpent sur les questions du racisme et les Maghrébins sont complètement exclus de ces discussions. Et donc les jeunes des Minguettes se disent que cette marche peut créer un espace pour leur parole. Ils ont sincèrement l'espoir d'être entendus. Mitterrand, lui, vu la situation, il a tellement peur d'un été chaud qu'il se rend dans plusieurs cités d'Île-de-France et aussi aux Minguettes pendant l'été. Et aux Minguettes, il va échanger avec les jeunes d'SOS Minguettes et eux vont évoquer leur projet de marche. Mitterrand promet de les recevoir à l'Élysée s'ils réalisent leur projet. En parallèle, Mitterrand crée une mission banlieue 89 avec des architectes et des urbanistes qui ont l'ambition de régler les problèmes urbains. Il l'appelle 89 en référence à 1789. Ça, banlieue 89, c'est une étape supplémentaire vers la politique de la ville. Et cette marche pour l'égalité et le racisme, elle va partir de Marseille, le 15 octobre 1983. Pourquoi Marseille? Parce qu'en octobre 1980, le jeune Lawari Ben Mohamed avait été froidement abattu par un CRS à la suite d'un contrôle d'identité. Et le CRS n'avait écopé que de 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Donc lancer la marche depuis le lieu même de cet assassinat, pour ces jeunes hommes des Minguettes, c'était un moyen de rendre hommage à ce jeune et à toutes les autres victimes de la haine raciale. Et ce sont Delorme et Costil qui vont assurer la logistique en organisant une 50aine d'étapes. Donc au départ, ils sont une 15aine, soutenus par une 15aine de personnalités, comme par exemple le président de la CIMAD, mais il faut savoir que la gauche, dans son ensemble, elle reste silencieuse sur l'initiative. 15 jours plus tard, quand ils arrivent chez eux à Lyon, il y a un millier de personnes pour les accueillir, et un forum justice va se tenir à Vaux-en-Velin, où les proches de Wahid Hashishi accueillent les marcheurs et commémorent sa disparition en même temps. Après cette étape, ils ont failli ne pas repartir, parce que leur famille avait tellement peur pour eux qu'ils essayaient de les en empêcher. Mais ils sont quand même repartis, et au fil des étapes, ils ont rencontré des Français. Ils ont rencontré des immigrés, des associations d'immigrés. Ils se sont fait insulter aussi. Mais leur marche intéressait peu, comme d'ailleurs la plupart des initiatives des immigrés et de leurs descendants. Le tournant de la marche, c'est véritablement l'assassinat par des paras d'un touriste algérien dans le Bordeaux, Vintimi. Il s'appelait Habib Grimzi et il a été victime d'un crime horrible. Et un crime lourd de sens, parce que l'histoire entre les paras et nous, c'est une longue histoire. Donc la rage chez les jeunes, soudain, elle est telle que marcher ensemble leur semble dérisoire. Ils sont gagnés par le dégoût. Sauf que ce crime va faire grand bruit, dans la presse et dans le monde politique. Et on comprend pourquoi, avec le recul, c'est que les actes de l'extrême droite, ils sont plus faciles à dénoncer pour la société française. Mais aussi parce que le crime est tellement horrible qu'il a effet de détonateur, c'est-à-dire qu'il déclenche une prise de conscience. Donc la marche va immédiatement acquérir une énorme notoriété. Une pétition de soutien est lancée qui obtient des signatures de grands noms de la gauche. Des organisations de la gauche qui, jusqu'à présent, n'avaient pas bougé, mettent des moyens matériels et humains pour affréter du monde à Paris et pour encadrer les cortèges. Et même Renaud, le rappeur avant l'heure, fera un concert à Corbeil-Essonnes. Donc ça va complètement changer la donne, cette médiatisation. À chaque étape, les gens sont là en nombre. Et à chaque étape, la presse couvre. Certains iront même jusqu'à parler d'un défilé de VIP, puisque des figures prestigieuses s'expriment sur le sujet ou s'associent au projet. Donc, progressivement, l'enjeu devient très important pour les marcheurs. Et avant d'arriver à Paris, ils vont mettre au point leurs revendications. Je vous demande de les retenir parce que l'essentiel, c'est ça. Et c'est ça qui est perdu dans le flot des discours sur la marche. Or, dans toute initiative, l'important, c'est ce que les initiateurs demandent. Ça, c'est véritablement leur parole. Ils demandaient le droit de vote des étrangers. Cette demande sera mise de côté, les Français n'étant pas prêts, selon la ministre. Ils demandaient la réouverture de certains procès pour crimes racistes. Et ils demandaient le désarmement des tontons flingueurs. Et le permis de port de certaines armes sera effectivement limité. Il demandait aussi le règlement de la situation du logement avec l'accélération de la résolution du problème des cités de transit. Il demandait la carte de séjour de 10 ans pour les travailleurs étrangers. Et il demandait aussi la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme de se constituer partie civile dans des affaires judiciaires. Quand ils arrivent à Paris le 3 décembre, ils sont 100 000. En tête du cortège, il y a les mères des jeunes assassinés par la police ou par les beaufs. Et le slogan qui s'adresse aux beaufs et à la police, « Rengainez, on arrive ». La première utilisation du terme « beurre », elle viendra de la presse, Libération et Le Monde, qu'ils n'ont pas inventé, c'est un terme qui les emprunte à Nasser Kétan, le fondateur de Beurre FM, mais que Nasser Kétan appelle sa radio « Beurre FM », c'est une chose, il en a tout à fait le droit, que la presse requalifie la marche en employant ce terme, c'est autre chose, ça a un poids énorme, tellement énorme qu'aujourd'hui encore on est obligé de rectifier. Ce n'était pas la marche des beurs. Dire ça, c'est une objectification, c'est dépolitiser. C'est-à-dire que la revendication, elle passe au deuxième plan, et puis il reste un terme comme ça, un peu cool, marketing, d'identification creuse. Ce sont des jeunes maghrébins qui ont fait tout ça pour qu'on les traite d'égal à égal, et voilà un terme qui les réenferme dans une identité spécifique. Mais c'est fait avec talent, parce qu'à l'époque, le beurre, il est beau, il est cool, il est rebelle. Et c'est en ça que c'est important de parler de pouvoir. Parce que nous, indigènes, on peut mettre 100 000 personnes dans la rue. Le pouvoir blanc, il a la capacité d'en changer complètement le sens dans l'histoire. Alors, reconnaissance ultime, des membres du gouvernement les accueillent à l'arrivée et les médias vont couvrir positivement la marche. C'est pour ça que c'est difficile, à l'époque, de voir ce qu'il y a de malicieux dans l'utilisation du terme « beurre ». Mais symboliquement, ce qui va se jouer là, c'est une reconnaissance. Je disais la semaine dernière que le système raciste crée deux identités polarisées. D'un côté, le blanc honnête travailleur qui respecte les règles, et de l'autre, l'immigré, l'arabe tricheur, voleur malhonnête et inadapté à la société. À propos de l'indigène, à l'époque, rien ne trouve grâce aux yeux de la France. Rien. Mais ce qui se passe et qu'il est important de connaître, c'est qu'il y a une triangulation qui se joue avec les États-Unis. D'abord pour les immigrés, en termes de représentation, parce que les identifications positives, les immigrés, les descendants d'immigrés vont les chercher là-bas, dans l'histoire, dans la musique, dans le cinéma, parce que cette présence existe, parce qu'elle est racontée en livres, en films, en discours, parce qu'elle est déclinée aussi en musique de lutte, du funk à la soul en passant par le rock'n'roll. Et donc, ça pallie l'absence de représentation positive de non-blancs en France. En plus, la France, elle aime les Noirs américains. Beaucoup sont venus se réfugier ici, comme Josephine Baker, pour échapper au racisme de leur pays. Donc le Noir américain, c'est le bon Noir. et l'Africain, c'est le mauvais noir. Donc adhérer à l'Amérique, c'est essayer d'échapper à l'Afrique, cette Afrique qui suscite tellement de mépris. Adhérer à l'Amérique, pour les Algériens, c'est aussi survivre à l'image affreuse, ignoble, rageuse que la France donne de l'Algérien. Faut se mettre dans leur esprit, certains connaissent leur histoire, et donc ont l'identification positive du révolutionnaire algérien, mais d'autres ne connaissent pas leur histoire, pour une raison évidente qui est que c'est le phénomène le plus humain au monde que de poser une chape de silence sur un passé douloureux pour mieux faire face au présent. Et puis il y a aussi ceux qui sont nés ici et qui se pensent sincèrement d'ici, sinon français de papier, au moins français par la culture, parce que la culture c'est ce qu'on fait. Et en retour, la France, elle est littéralement. Donc il faut avoir ça en tête pour comprendre ce qui, par ce mouvement, symboliquement va se renverser. D'unanimement haï, ces jeunes maghrébins avec tout mis en tête sont unanimement acclamés. Donc c'est choquant, c'est inespéré, c'est grisant aussi. Mais ça représente une force symboliquement énorme. C'est une reconnaissance symbolique que de laisser les illégitimes entrer dans l'Élysée rencontrer le représentant de l'État. D'autant que Toumi Djaïdja, c'est chacun de nous, il n'est ni angélique ni voyou, et l'injustice qui frappe tous les Maghrébins, tous les immigrés, bah lui il l'a vécu, tout est parti de là. Donc c'est un espoir qui est très fort, c'est aussi une adhésion à la proposition de Toumi Djaïdja, qui est de laisser de côté l'émeute et à la place de revendiquer. Ces marcheurs, ils incarnent une figure positive qui manquait cruellement aux Maghrébins. Et ce qui ne gâte pas les choses, c'est que le pays entier approuve par la bienveillance qu'il manifeste au mouvement. D'ailleurs, 20 000 personnes avaient écrit au président de la République pour affirmer leur soutien avec les marcheurs. À chacune de leurs 50 étapes, ils ont eu des gens qui sont venus parler avec eux. Dans les villes où ils ne sont pas passés, des manifestations de solidarité ont été organisées, donc ces rencontres, elles forgent quelque chose. C'est peut-être ce qui fait qu'il en restera une tradition du Tour de France. Plus tard, quelqu'un comme Mohamed Meshmesh fera le Tour de France avec son cahier des doléances, donc c'est quelque chose qu'on a revu plus tard. Mais voilà ce qui a fait que la carte de 10 ans a été acceptée. Elle est là la victoire de la marche pour l'égalité. C'est du concret pour des millions de résidents étrangers qui, avant ça, vivaient une précarité administrative importante. Ils devaient pointer régulièrement au commissariat avec tous les risques que ça implique pour un Algérien. Donc cette carte, elle veut dire la tranquillité pour quelques années, la possibilité de se projeter, de travailler. L'autre engagement de Mitterrand, ça a été de prendre des mesures en faveur de davantage de justice dans les affaires de crimes racistes, donc la possibilité de se constituer partie civile, et donc que le caractère raciste soit reconnu comme une circonstance aggravante. Sauf que le policier, auteur du meurtre de Wahid Hashishi en septembre 82, il sera laissé en liberté dans l'attente de son procès, et en 1985, il ne sera condamné qu'à 7 ans de prison. Et donc, même si l'étape de 1983 est une étape importante qui a permis de poser des revendications, qui a permis d'imposer son existence sur le territoire français, qui a permis de créer symboliquement une identification positive et qui a permis aussi d'obtenir des avancées comme le racisme circonstance aggravante et la carte de résidence de 10 ans, c'est évidemment très peu à côté des attentes fortes, ambitieuses, que traduisent les revendications des marcheurs de 1983. Ces 15 jeunes des Maguettes qui ont marché 1000 km pour obtenir que la justice et la police traitent tout le monde à égalité. Et on voit en 2020 qu'on n'y est pas encore.